Perte et gain, histoire d'un converti, note 2. Le monument au grand incendie de Londres est une colonne dorique, élevée en 1671, par ordre du Parlement, en mémoire de l'incendie de 1666, qui consuma presque toute la cité. Cette colonne a 66 mètres de hauteur, une balustrade entoure son chapiteau, et des flammes de cuivre brillent sur son sommet. À l'époque où eut lieu l'incendie, la haine populaire attribua cette calamité aux papistes. On prétendit qu'ils avaient voulu exterminer les anglicans, rétablir le dogme catholique et plonger la nation dans la servitude. Une calomnie si révoltante fut gravée sur le piédestal du monument, et elle y resta jusqu'en 1829, année de l'émancipation des catholiques. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.